peut-être qu'on a assez parlé d'amour. Donc, assez parlé de sexe, parlons et d'amour. De sexe. Ouais. On pourrait peut-être enchaîner avec, avec ce roman qui a eu beaucoup de succès, justement, ouais. Intitulé. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès. Assez parlé d'amour qui a été traduit dans plusieurs langues. Oui, bah, c'est parce que je crois que je dois beaucoup à... Ce livre doit son succès à l'étranger, à sa dimension française. Mm-hmm. L'amour est français. Donc ça aide énormément, je pense, que pour vendre le bouquin. Ça se passe à Paris, c'est écrit par un Français, ça parle d'amour. Franchement, quand c'est sorti aux États-Unis, il a fallu un certain temps pour que la... ça a très bien marché aux États-Unis, mais il a fallu un certain temps pour qu'elle ose me montrer ce qu'on appelle l'appareil marketing autour. Et l'appareil marketing, c'était une tour Eiffel avec un petit cœur au-dessus. Et c'était pas vulgaire, c'était extrêmement drôle, quoi. C'était extrêmement drôle. Et elle avait ça dans tous les Barnes & Noble, donc la plus grosse chaîne américaine, parce que le bouquin avait été sélectionné par Barnes & Noble. Et Barnes & Noble, pour le vendre, avait accepté cette petite mise en scène du bouquin avec... quand j'ai vu ça, je me suis dit... Bon, je ne vais pas en ramener pour les archives de Loulipo parce que ça ne va pas le faire. Marcel va hurler. Mais en fait, j'aurais dû parce que bon, c'est quand même assez drôle. La dernière fois, tu peux. Qu'est-ce qui t'a ramené ? J'ai un siège énorme qui prend tout le place. Ah oui, le siège. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il ne faut pas le jeter, c'est un cadeau. C'est une œuvre. C'est une œuvre. Moi, ce n'est pas une œuvre. Voilà. Donc ce livre-là, oui, doit énormément son succès à. On n'a pas tant de PLV que ça à Loulipo. Tu pourrais quand même. C'est vrai. C'est vrai. Il faut que j'en demande. Parce que c'était quand même assez drôle. Ouais. Et donc, bon, c'est vrai qu'il est traduit en une dizaine de langues, jusqu'au chinois, avec une vraie difficulté de traduction, parce que le livre, sous ses aspects extrêmement grand public, hein, que je ne cache pas, qui est un livre, c'est vraiment une histoire d'amour entre six personnages, c'est deux trios, c'est deux femmes qui... rencontrent à peu près au même moment deux hommes, alors qu'elles sont toutes les deux mariées, et qu'elles ont le même âge, une quarantaine d'années, qui est le moment où on peut encore décider de changer de vie, parce qu'il y a, voilà, après c'est plus compliqué, on peut plus faire d'enfants, enfin, 45 ans c'est plus complexe, quoi. Donc elles sont à un moment de leur vie qui est un vrai tournant, et donc on suit ces deux femmes, et j'avais traité dans un livre précédent la question du fantasme amoureux, avec Je m'attache très facilement, et là j'avais envie de traiter la question de l'ambivalence et de l'amour vrai, mais de l'ambivalence. Et donc de suivre deux personnages de manière différenciée. Comme j'avais six personnages, la question qui s'est posée à moi, j'avais commencé à écrire sans contrainte. Parfois, les Olympiens écrivent sans contrainte, et le président qui est ici sait très bien qu'il n'est pas le dernier à écrire sans contrainte. et donc j'avais commencé à travailler sans aucune contrainte, mais l'Oulipien est ainsi fait qu'au bout d'un moment, cette absence de contrainte crée une frustration, lui pèse et il se dit « Non mais c'est quoi ça? Je vais écrire sans contrainte. Je vais écrire un livre ordinaire. » Voilà. Et donc je me suis dit « Non mais je voudrais des contraintes. » Un jour j'étais chez un ami et il jouait au domino avec son fils. J'ai vu les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui étaient sur les dominos et je me suis dit « Mais putain, ils sont là mes personnages. » Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 1, 2, 3, mon premier trio, 4, 5, 6, le deuxième trio. Et puis, c'est quoi le 0? Ça sera un personnage secondaire. Et j'ai décidé de raconter une partie de domino. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un amant et une femme, et qu'il y a beaucoup de chapitres, on a envie qu'ils reviennent souvent. C'est-à-dire qu'on a envie que le personnage 1 et le personnage 3 soient tout le temps là. Enfin, souvent là. Or, au domino, on pose un domino et c'est fini, il est posé, on ne peut plus le rejouer. Donc j'ai dû chercher... et finalement, comme je n'ai pas trouvé, inventer un jeu, que on peut le dire, hein, parce que je sais que maintenant, les dominos Abkhaz sont référenciés 1500 fois dans Google. Victoire. C'est dingue. Mais j'ai donc inventé les dominos Abkhaz, et je les ai crédibilisés en intervenant sur une encyclopédie en ligne de qualité. Et en mettant dans Abkhazie que les dominos Abkhaz étaient un des jeux les plus connus en Abkhazie. Je n'ai pas inventé le nom. Les parties qui sont citées. Il y a la partie qui est citée, oui, bien sûr. Quand on invente à Loulipo, il y a une sorte d'honneur à ce qu'on invente de manière plausible. Donc, je n'ai pas inventé du tout le personnage de Goulia, qui est un des auteurs les plus connus en Abkhazie. Je n'ai pas inventé le fait qu'il a vraiment inventé l'alphabet abkhaz. Je n'ai pas inventé le fait qu'il a dirigé un journal. J'ai juste inventé le fait qu'il y avait une rubrique dans son journal de dominos abkhazes, et qu'il y avait des parties qui duraient des heures entre différents personnes, enfin entre différents, puisqu'on peut jouer aux dominos à beaucoup. Donc voilà, donc j'ai inventé des règles pour qu'on puisse reprendre les dominos. De manière à ce que les personnages puissent. Voilà. J'ai joué une partie de domino abkhazes chez moi, tout seul, pour vérifier que ça fonctionnait. Ben, ça fonctionne. Mmh. On peut vraiment jouer au domino comme je le décris. Mais je crois qu'il faudrait aller jusqu'au bout et créer le jeu, le commercialiser. Oui. C'est très facile. Il suffit d'acheter c'est très facile. Il suffit juste d'acheter plusieurs jeux de domino. Mmh. Donc, L'Oulipo aurait bien besoin de cet apport financier. Bon. Il pourrait être décisif. N'est-ce pas ? Décisif. Décisif. Mais comme malheureusement le jeu de domino abkhazes consiste simplement à ce que chacun vienne avec son jeu de domino. Vous voyez, ça fait pas. On peut mettre dessus domino abkhazes, vous voyez. C'est comme si on mettait sur des cartes à jouer, jeu de belote. Mais je pense qu'on peut vendre à des imbéciles. Ça s'appelle. J'ai acheté un jeu de belote. Une stratégie commerciale. Une stratégie commerciale excellente, oui. Ouais. Et puis on peut lui vendre un jeu de belote, un jeu de canasta, un jeu de poker. Enfin, le mec, il peut avoir 25 jeux chez lui. Voilà. C'est super habile. Non, ça ne peut pas marcher, en théorie. Dommage. Ouais. Mais bon, voilà. Donc c'est un jeu qui marche. On peut jouer et on reprend effectivement, lorsqu'on ne peut plus poser de domino, un domino. Donc on n'a pas droit à beaucoup de domino sur ça. On n'a pas le droit d'avoir beaucoup de dominos, 2, 3, pas plus, et il faut reprendre un domino. Donc ce qui faisait que j'ai pu construire une histoire à partir de dominos, en m'imposant des personnages, et ce qui est vraiment extrêmement fécond, c'est les personnages secondaires. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il y a un double zéro. Donc le double zéro est très intéressant, parce que ce sont deux personnages secondaires qui dominent le chapitre. Ils sont tellement secondaires qu'on se demande comment ils peuvent dominer le chapitre. Voilà. Et donc il faut créer le chapitre pour les deux personnages secondaires. C'est intéressant. Deuxième chose, c'est dans mon système de deux couples, ça pivote parce que l'une est maîtresse de l'analyste de l'autre. Il n'y a aucune raison que ces deux femmes se rencontrent. Mais pour qu'elles se rencontrent, elles se rencontrent quelque part. J'avais forcément un double, j'avais forcément le 1 et le 4, je ne sais plus si c'était le 1 et le 4, mais les deux femmes qui devaient se croiser quelque part. Donc il fallait qu'elles se croisent de manière plausible. Je ne voulais pas qu'elles se croisent de manière évidente, genre, voilà. Donc elles se croisent en fait dans un magasin de fringues, puisque toutes les deux sont des fringues addictes, et elles se croisent là. Et en fait, en imposant cette contrainte, qu'elles se croisent dans un magasin de fringues, je me suis rendu compte à quel point le magasin de fringues était une sorte de métaphore naturelle de leur double vie, de chacune de leurs vies. Et donc j'ai traité le magasin de fringues comme une sorte vraiment de lieu symbolique où s'exprime toute leur ambivalence à l'une, l'ambivalence de l'une et la capacité à décider de l'autre. Voilà, sur la même robe, donc sur le même sujet d'attraction qui est une certaine robe. L'une décide de le porter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle décide de le porter sous quelque chose d'autre. La robe est importable parce qu'elle est beaucoup trop courte et c'est juste pas possible de le porter en société. Mais elle décide qu'elle va le porter sous sa robe d'avocat, qui est une façon symbolique de dire comment elle gère ses propres décisions. Elle prend des décisions sous couvert d'une autre à chaque fois. Et c'était intéressant de le traiter comme ça. Et je pense que là aussi, c'est typique de ce que génère la contrainte oulipienne. On est amené à résoudre des problèmes et à trouver des chemins d'escalade pour contourner la montagne. Et là, c'était une évidence. Il y a toute une série de choses comme ça qui font que la contrainte est féconde. Voilà. Et alors, dans ce texte, évidemment, là, on a un pourcentage de 5% de contraintes à peine et 95% de narration. Voilà. Parce que je n'ai pas d'autre contrainte que la contrainte de construction. Les chapitres sont constitués de la rencontre de deux personnages. En fait. Oui, à chaque fois. Chapitre s'appelle... Parfois, il y en a un peu plus, mais l'autre personnage doit être assez absent. Alors, j'explore d'autres choses dans ce livre, qui sont des explorations, d'exploration de traitement littéraire de situations, dont une en particulier qui m'intéressait, qui était... il y a trois choses dedans qui sont vraiment typiquement oulipiennes. Il y a le pastiche, l'hommage, qui est un hommage à Édouard Levé, qui est un auteur péri-oulipien, et dans lequel je réécris un de ses livres, enfin, je réécris le... Je pastiche un de ses ouvrages. Il y a un deuxième travail, qui est un travail qui m'intéressait à faire, qui est une sorte de lecture symétrique, qui est la division en deux de la page, avec une voix off d'un côté, et qui correspond à une lecture Voilà. Donc un des personnages qui est un auteur fait une lecture pendant que le mari de sa maîtresse, voilà, à l'autre, est dans la salle pour voir qui est ce type qui couche avec sa femme. Voilà. Et donc il y a cette voix off du type qui écoute une lecture. C'était intéressant à faire parce que d'un côté j'avais une lecture oulipienne avec un texte que j'avais vraiment écrit pour l'Oulipo quelques années auparavant et que j'ai réduit pour arriver au nombre de 78, oui. Une fois de plus, parce que c'était une référence à la chapelle Sextine, donc j'étais arrivé à 78. La contrainte, c'est que le mot étranger figure... Le mot étranger figure dans chaque... C'est une toute petite contrainte. Oui. Hein. Le mot étranger figure dans chacune des 78 entrées. Voilà. Mais ce qui est intéressant à écrire, c'est que l'autre à côté, pendant que cette lecture dure, a une voix intérieure qui écoute cette lecture, qui devise sur cette lecture, qui réfléchit sur ce qui est dit, qui réfléchit sur le rapport qu'il a lui-même à sa femme, à cet homme, la jalousie, etc. Et donc c'est décliné comme une pensée. Donc les deux textes sont très, très différents l'un de l'autre. Il y a une vraie opposition entre les deux textes. Un texte qui est structuré comme c'est rarement possible, avec même des dimensions un peu érudites, et de l'autre côté un langage intérieur qui, lui, est conçu comme n'est jamais un langage intérieur, qui est juste un langage intérieur, entre guillemets, retranscrit dans un livre. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui existe lorsqu'on le lit. On ne se pose pas la question de savoir si c'est possible qu'on réfléchit comme ça. Mais c'est vrai que quand on le lit, on se dit oui, effectivement, on réfléchit comme ça. Il y a du coq à l'âne, il y a du retour à la conversation, au discours de l'autre, etc. Donc ça, c'était assez intéressant à faire. Et le discours est critique au début. Le discours est très critique, oui, ça donne... Il se convertit un peu, quand oui, même, à la oui, fin. Oui, peu à peu, il se convertit, ouais. Il se convertit, c'est vrai. Ouais, c'est... Quelle contrainte d'écriture simple, intégrer dans chaque entrée le mot étranger. Ah ouais, c'est vraiment simple, vraiment. Et déjà tout à l'heure, le coup du verbe s'étranger, s'étrangler, elle était vraiment nulle, celle-là. Oui, bien sûr, je n'aime pas les auteurs, cette fatalité, cette fatuité de certains créateurs, de certains artistes qui s'y croient. Mais comment se serait comporté Paul Valéry sur cette scène, ou Aragon, ou Villon? Combien sont-ils? Trois, ils sont trois. Et nous, dans la salle, combien? Disons 15 rangées, et disons 18 sièges par rangée, 250 places, une sur deux d'occupés. Nous sommes 120 maximum, allez, 130, ça fait 30 par auteur, une grosse classe de collège, tout ça pour entendre un type inventer s'étranger. Monsieur Yves Janvier, je t'emmerde, et plus je t'écoute, plus je t'emmerde. Toi, écrivain raté, jamais entendu parler de toi avant qu'Anna ne mentionne ton nom. Ah, Anna, Anna, je ne te comprends pas, mon Anna, mon amour de ma vie. Après quoi cours-tu, ma chérie? Après quel mythe, quel fantasme? Après quel rêve? Ce ne sont que des mots qu'elle aligne ce type qui se croit, qui s'écoute parler, qui se croit se grandir en montant sur les épaules de géants Camus et Terence. Et alors? Et combien ça coûte tout ça par branlette, cette petite branlette intellectuelle dans la salle? Voyons, chaque auteur payait quoi? Combien ça gagne un auteur? Disons 200 euros pour la soirée, j'en sais rien, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, j'en sais rien. Allez, disons 300 euros, donc 1000 euros pour trois auteurs. Ah oui, il y a aussi ce petit livre numéroté publié de 1 à 300, qu'ils disent sur le programme, disons 2000 euros pour le bouquin et l'allocation de la salle et le marketing en tout, au moins 4000 euros, putain. Chaque siège occupé coûte 30 euros à l'État ou contribuable, c'est dingue. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est du mécénat, c'est déductible des bénéfices de la boîte. Et puis ça donne l'impression à un gros plouc d'une pharmaceutique. Ah non, ici c'est un industriel de l'eau, de se croire cultivé, de fréquenter des écrivains, peut-être même rencontrer des artistes de cinéma. Le directeur de la mine, il avait ses danseuses, c'est post-moderne, mais ici, rien de nouveau sous le soleil. 34 seulement, putain, on en est à 34. Et il y en a 78, on a déjà dépassé le tiers, c'est l'avantage des textes avec des numéros. On peut savoir combien il nous reste à écouter. Est-ce que je suis de mauvaise foi? Est-ce que je suis capable d'entrer dans ce texte avec autre chose que de la colère? Et là, il bascule. Voilà. Donc ça, c'est assez marrant à faire, parce qu'en fait, on est tous confrontés comme écrivains à ça. C'est-à-dire, on se dit, parfois, on rentre dans une salle et on se dit, bon, alors, je suis payé, combien sont-ils? Oh la vache, putain, la culture, ça coûte cher. C'est tout le... Moi, ça m'arrive, ouais. Ouais. Je t'expliquerai après comment on fait. Paul, il faut demander. C'est tout. Voilà. Ouais. Bah ouais. Donc voilà, donc c'est ça. À un moment donné, toute personne... dans le circuit du culturel, se pose cette question. On est beaucoup moins cher que l'opéra. C'est bon. Sûr. Oui. Il est clair que, de toute façon, la culture, c'est le financement par l'État de la culture des riches. Parce que les pauvres n'y ont pas accès. Donc, subventionner la culture à hauteur de 50%, ça reste toujours trop cher pour les pauvres. Et c'est bon, quoi. Voilà, c'est un problème. Mais ce n'est pas abordé là. Voilà. Mais ce niveau de lecture, moi, m'intéresse. C'est-à-dire qu'on peut avoir une double réflexion sur... D'ailleurs, depuis, je n'ai jamais été invité par un industriel de l'eau. C'est bizarre. Curieux. Ni par une pharmaceutique. Pourtant, je suis prêt. J'aurais dû le dire. Petite mention, quelque part. Et à la fin du roman, Yves écrit un poème. Un livre. Ouais. Oui, il y a le livre dans le livre. C'est le ça que je voulais, troisième que je voulais dire. Ouais. Pour Anna. Voilà, il y a troisième contrainte pour moi. C'était une contrainte inversée, en fait. C'est-à-dire que la première chose que j'ai écrite, finalement, dans ce livre, c'est le livre dans le livre. Voilà. Donc, j'avais écrit un livre qui était les 40 souvenirs de Anna Stein, qui était les 40 cadeaux faits par un homme à une femme qui a 40 ans, et qui donc sont des souvenirs très personnels de sa vie. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était d'insérer un moment de jeu dans un livre qui en contenait très peu. Donc ce moment de jeu se trouve à un moment donné présent. C'est un des moments les plus sincères du livre. Donc il peut se lire d'une manière extrêmement différente de tout le reste du livre, qui est plutôt assez distancié, assez en recul par rapport à la question de la jalousie. Et d'un seul coup, on est précipité dans un univers qui est un univers affectif, amoureux, d'une manière dont on n'a pas l'habitude de l'être, parce qu'on a été sur un autre mode pendant tout le temps. Et d'un seul coup, on a sur une vingtaine de pages les 40 souvenirs qui, eux, sont extrêmement précis, extrêmement, extrêmement intimes, y compris sexuellement, alors que le reste, la question du sexe, a été plutôt évacuée. Il n'y a pas une seule scène de sexe, il y a juste une discussion sur la sexualité qui est présente dans le livre. Je me suis débarrassé du sexe avec J.P. Sextine. Voilà. Je pense que j'en mettrai plus maintenant. Donc il y avait ce côté enchâssement d'un livre dans un autre livre. Et puis il y avait aussi l'enchâssement d'un poème que je voulais avoir. Donc un poème écrit qui est un poème de rupture et que je voulais mettre à la fin. Le poème final. Le poème final, la voilà. La Villanelle. Voilà, Villanelle, qui est une forme magnifique. Et d'ailleurs, la Villanelle qui est là est une Villanelle avec une faute. Qui est une faute volontaire, c'est que je ne voulais pas finir par le mot Villanelle. Donc il fallait forcément... Dans la Villanelle, qui est une forme poétique du Moyen-Âge, qui fonctionne sur 5 tercets et un quatrain, les vers premiers et derniers de la Villanelle sont répétés en alternance sur les 4 tercets qui suivent. Et à la fin, dans le dernier quatrain, le premier et le troisième sont retrouvés en position, non pas dans le même ordre, mais dans l'ordre inversé. De manière à ce que le premier vers soit également le dernier vers. Bon, là, j'ai voulu inverser, j'ai voulu finir par le mot tourterelle. Donc, comme je ne voulais pas commencer par le mot tourterelle, j'ai dû inverser, mais c'est pas grave. Et puis, j'aime beaucoup la Villanelle, parce que c'est un hommage à Dylan Thomas, qui est celui qui, à mon avis, depuis que la Villanelle est contemporaine, est utilisée, a fait les plus belles Villanelles, vous savez, c'est... « Do not go gentle into that good night », qui était une Villanelle écrite pour son père, qui est magnifique. Et donc, voilà, je voulais rendre un hommage à un auteur que je n'aurais sans doute jamais l'occasion de rendre hommage. Donc, voilà. Donc, j'avais enchâssé ce poème, et je l'ai mis à la fin. Et je dois dire que j'avais écrit entièrement le livre, et c'est dans un retour de voyage assez long avec Marcel Benabou, que j'ai ajouté... que j'ai trouvé le titre, Assez parler d'amour, joli titre, oui. qui est un beau titre. Hein. Je crois que c'est même Marcel qui l'a trouvé. Je ne sais plus, on discutait dans l'avion. Et je crois que c'est Marcel. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui a trouvé quoi. C'est ça le problème des discussions. Je crois que c'est Marcel qui l'a trouvé. Et quand il a eu trouvé ce titre, je me suis dit, mais oui, c'est évident, Assez parler d'amour, bien sûr. Et qui est un titre assez dans la logique du livre lui-même. Et je me suis dit qu'il fallait finir sur cette phrase. Et donc, j'ai rajouté, après la Villanelle. J'étais très content de ne pas finir sur la Villanelle, parce que je trouvais que finir sur la Villanelle, c'était sur une sorte d'accent dramatico-tragique que je ne souhaitais pas. Et je finissais, d'un coup, j'ai rajouté « mais assez parler d'amour ». Et c'était une façon de conclure le livre qui était assez jolie, quoi. Donc j'étais content de pouvoir trouver ce titre. Parfois, les histoires des livres sont des histoires à beaucoup de strates. Enfin, souvent, il y a des centaines de strates dans les livres, et on finit par les oublier parce qu'on essaie de faire que le livre soit lui-même un objet complètement clos. Mais clos, parfois, l'objet peut être ouvert, mais au moins, il est entièrement compact. Mais dans cette compacité, il y a enchâssé des objets qui sont parfois cristallins, parfois nébuleux, parfois galactiques. Donc des choses très compliquées qui vont tournoyer et qui sont, elles, le résultat de la création elle-même. Et le titre en fait partie.